بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. On va poursuivre aujourd'hui dans le Fiddars al-Thalathin, 30e leçon. Et nous parlons de la foi des djinns, ou de shaitan, des procédés qu'ils ont pour pouvoir nous égarer. ثم قال في سؤال الرابع والستين بعد المئة 164e question. اذكر بعض وسائل الحماية من الشيطان. Cite certains moyens de protection contre lui, contre Shaitan. قال من وسائل الحماية من الشيطان الاتجاه إلى الله, le fait de se diriger et retourner vers Allah سبحانه وتعالى. ودليل قوله تعالى ومما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Il a dit si jamais Shaitan t'incite à faire du mal, alors recherche refuge auprès d'Allah, car il est certes le parfaitement audient et l'omniscient. Fussilat, détaillé verset 36. كذلك الإخلاص لله كما لا في السيرة dernière fois. كما قال كلا الشيطان أجرك لتوس نزجاري قال إلا عبادك منهم المخلصين أمي tes serviteurs parmi eux qui sont sincères. سورة الصلاة verset 83. On l'avait dit الإخلاص. وقال الالتزام بالكتاب والسنة وعدم الابتداع في الدين, le fait de s'accrocher au livre et à la sunna et de ne pas innover en religion. والدليل قوله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. Et si ils auraient dit suivez ce qui est descendu d'Allah, ils diront nous suivons ce sur quoi nous avons trouvé, ou nous suivons ce sur quoi nous avons trouvé nos pères. Et si jamais c'était Shaitan qui les appelait au feu de l'enfer, c'est-à-dire leur père, c'est-à-dire vous allez suivre également. Luqman verset 21. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة إني قد تركت فيكم شيئا لن تدلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. Il dit je vous ai laissé deux choses par lesquelles vous ne saurez vous égarer si jamais vous y accrochez, le livre d'Allah ainsi que ma sunna, et que les deux sont indissociables jusqu'à ce que le haud me soit exposé. Ou la deuxième partie du hadith حتى يرد علي الحوض. Cette partie-là, j'ai toujours eu un problème avec cette partie du hadith. Le muhim, shahid de cela, qu'il a laissé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le livre de la sunna, et que les deux sont dissociables. Raoul Hakif Moussadrak, où elle était authentifiée par Sheikh Al-Albani. Également parmi les causes, Al-Isti'aza, عند دخول الخلاء, عند الغضب, عند الجماع, عند نحيق الحمير, عند قراءة القرآن, وغير ذلك. Le fait de rechercher refuge auprès d'Allah, en rentrant aux toilettes, lors de la colère, lors des rapports conjugaux, ou lorsqu'on entend la voix de l'âne qui crie, et en lisant le Coran. Parmi les preuves, pour le hammam, pour les toilettes, on l'avait déjà cité que Nabi Sallam, quand Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wa al-khaba'ith, qui refuge contre les shayatin, mâles et femelles. Dans le Coran, le fait de rechercher refuge, comme a dit Allah Ta'ala, فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Si jamais tu lis le Coran, alors recherche refuge auprès d'Allah du shaitan qui est lapidé. Et pendant la colère, le hadith, Raoul Bukhari, selon Sulayman ibn Surad, قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يتسابان وحدهما احمر وجهه فانتفخت أوداجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمات لو قالها ذهب عنهم ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنهم ما يجد. Qu'il a dit ce sahabi رضي الله عنه qu'il était assis avec le prophète صلى الله عليه وسلم et qu'il y avait deux hommes qui s'insultaient, qui étaient en colère, qui se disputaient, et l'un d'entre eux son visage était devenu rouge de la colère, et le prophète صلى الله عليه وسلم m'a dit je connais certes une parole, s'il l'avait dite il aurait ce qu'il ressent comme colère se serait dissipé. S'il avait dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو من الشيطان, s'il avait dit cela, il aurait perdu sa colère, elle serait partie. Donc lorsque nous en colère, c'est une parole à dire. Et là, c'est un tambi à faire lorsque des fois vous avez des disputes entre des gens qui sont très en colère. Très en colère. Regardez bien le hadith, le Nabi Sallam ne lui a pas dit cela directement. Car dans une version de ce hadith, un sahabi a dit à cet homme qui était en colère, le prophète Sallam a dit telle et telle chose. Et il s'est encore plus énervé. Donc les gens, quand ils sont dans une colère furieuse comme ça, laissez-les se calmer. Il se peut que tu leur dises une parole, et peut-être même du coup, tellement il est en colère. Tu lui dis, ya akhi, taqillah, dans le Coran, elle a dit ça, il peut insulter Allah, il pense le Coran. Dans la colère, tellement il est furieux. Tu lui passes le Mus'haf, il peut le lancer contre le mur, le Mus'haf. Donc quand les gens sont comme dans cet état-là, c'est rien de venir le calmer. Laisse-le se calmer tout seul. Parle d'autre chose. Et quand il est calme, tu lui rappelles ce qu'il a fait, qu'il se repente. Mais dans la colère même, si jamais tu agis de la sorte, il se peut que tu amènes encore plus de mal sans même que tu t'en rendes compte. Donc, attention à la colère démente. Où la personne ne sait même plus ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait. Des fois, la meilleure chose, c'est même de partir. Des fois, en partant, les gens, ça les aide à se calmer. Non. Et là, je ne parle pas de toutes les colères. Je parle vraiment de la colère où la personne est devenue furieuse, dans une démence pas possible, et ne sait peut-être même plus ce qu'il dit. Taïb. Dans le hadith d'Ibn Abbas, lors des rapports conjugaux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Amma in ahadakum iza ata ahlahu wa qala bismillah lahumma janibna shaitan wa janib shaitan ma razaqtana faruzika waladan lam yadurru shaitan » Donc il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que lorsqu'un d'entre vous va avoir des rapports avec sa famille, il a ce hadith-là, il est valable pour l'homme. Il est valable pour l'homme, en réalité, ce dua à faire. Qu'il dise « Bismillah » Ô Allah, éloigne Shaitan de nous, éloigne Shaitan de ce dont tu nous as octroyé, c'est-à-dire ton enfant, si jamais Allah t'accorde un enfant. Donc si jamais ils auront un enfant, Shaitan ne saura le nuire à cet enfant-là par rapport à cette dua-là. Le hadith est muttafaqun alayh. Et par rapport au chant du coq, ou plutôt au bruit de l'âne, le hadith, on a pris auparavant que lorsque l'âne se met à crier, c'est qu'il a vu un Shaitan. Le fait de faire en sorte de rechercher refuge pour les enfants et pour la famille. Faire dua pour eux. Un Abi Saïd al-Khudri, que le Nabi sallam recherchait refuge contre les djinns et contre le mauvais œil de l'homme. Puis, il lui fut révélé les mu'azzatan qui sont surat al-ikhlas, kul a'udhu bi rabbin nas, et al-falaq, kul a'udhu bi rabbil falaq. Ce sont ces deux-là qu'on appelle les mu'awizatan. Les mu'awizatan, na'am. Et lorsqu'elles sont descendues, ils ne se contentaient que de ces deux-là. Donc, kazalik, il fut rapporté l'Ibn Abbas, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, justement, prenait le Hassan al-Hussein, pour faire dua pour eux, et qu'il disait, Inna abakuma kana yu'awwidhu bihima Ismaïl ou Ishaq. Il disait que votre père, c'est-à-dire votre grand-père qui était Ibrahim, ou biha, lisa bihima, biha, qu'il protégeait, demandait la protection pour Ismaïl et Ishaq par ses paroles. Puis il dit A'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli shaytan wa hamma wa min kulli 'aynin lamma. Qu'il dit Je recherche refuge auprès des paroles d'Allah qui sont parfaites. Et l'attention, c'est le fait de faire tawassul, comme on l'a expliqué la dernière fois, par les sifats d'Allah. Il n'invoque pas la sifat d'Allah. Juste, il recherche refuge auprès d'Allah, okay, par cette sifat-là. Donc c'est tawassul bi sifatillah wa asma'ihi. Donc il dit, je recherche refuge auprès d'Allah par ses paroles parfaites de tout shaitan et de tout souci et de tout mauvais œil. Apporté par le Bukhari. Thumma qala al-ikthar min dhikrillah wa luzum jama'at al-muslimin. Le fait de faire beaucoup de rappels d'évocation d'Allah Azza wa Jal et de rester lié au groupe des muslimines. D'éviter de s'isoler, de se retrouver seul, sans raison. Et parmi les preuves de cela, qui fut rapporté dans le hadith de Tha'laba al-Khushani, il raconta que le prophète sallam était en voyage avec les gens et que les gens se sont dispersés dans les vallées pour dormir dans différents endroits. Ils n'étaient pas regroupés. Et le prophète sallam a dit Inna tafarukakum fi hazi al-shi'ab wal adwiya innama zalikum min ash-shaytan. Il a dit que votre dispersion, votre séparation en ce lieu, c'est-à-dire ces vallées, quoi, cela ne provient que le shaytan. Et après, il a dit que tous se sont regroupés à tel point que si l'un d'entre eux posait son vêtement par terre, tous pouvaient s'asseoir dessus. Ils sont tous restés regroupés les uns aux autres. Donc le fait de s'isoler est une cause de pouvoir se faire recevoir des wasawis de shaitan. Donc le remède à cela, c'est de rester en groupe. De rester en groupe. Les gens qui restent seuls sont vraiment exposés aux wasawis, et ça c'est une chose qui est constatée. Rester avec les frères, et quand on dit rester avec le groupe, bien évidemment les gens de bien également. Quand c'est pour ça que les gens de mal, alors la solitude peut être meilleure. Mais sinon, rester avec les gens, et les gens de bonne fréquentation. Qala, كذلك, dans le hadith de Ibn Abbas, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yadullah ma'al jama'a, que la main d'Allah est avec le groupe. Allahu at-Tirmidhi. Parmi les causes, les procédés pour se protéger de shaitan, at-tawba ou l'istighfar. Le repentir à la demande de pardon. Et la preuve, c'est le hadith de Abi Saïd al-Khudri. Qala, inna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qala, inna shaitan, qala, wa عزتك لأبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم يعني في أجسادهم قال رب عز وجل وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم ما استغفروني رواه البيهقي في الأسماء والصفات qu'il a dit صلى الله عليه وسلم que Shaitan a dit, c'est-à-dire à Allah, il a juré par sa puissance qui ne cessera de guérir ses serviteurs tant qu'ils seront vivants. C'est-à-dire là, regardez bien, Shaitan a bien dit. Tant qu'on est vivant, c'est-à-dire du jour où on est, jusqu'au jour où on meurt, il ne va pas nous laisser. Et Allah Azza wa Jal, il lui a répondu, et par ma puissance et ma splendeur, et par mon haut rang, on dira comme ça, je ne sais pas si la traduction est correcte, je ne cesserai de leur pardonner tant qu'ils demanderont pardon. Tant qu'ils demanderont pardon, je leur pardonnerai. Donc Allah pardonne toutes choses sans qu'ils demandent pardon. Même le shirk akbar, ou la ridda, l'apostasie, tu l'as fait, et que tu demandes pardon à Allah, tu fais tauba, Allah te pardonnera et acceptera de toi si tu es sincère et tu remplis les conditions de validité du repentir. Walhamdulillah.